Calasise, bloqué cadena, oh. Bloqué, bloqué. Elle a bloqué cadena, oh. Bloqué, bloqué. La jolie tante l'a bloqué cadena, oh. Bloqué, bloqué. L'homme dit c'est comme ça du cadena. Enfant de Jean, Dika Kou le silencieux. Tenant et sinon, oh. J'étais de passage, oh. C'est que je n'ai pas vu commencer. Moi je peux pas parler, oh.